de mes frères. C'était un accident. Depuis, je ne bois plus. Je prends l'air, je me rassure. Ça va mieux, non? J'ai choisi la multiplication, doublée d'un bon nombre de complications. Non, ça ne va pas mieux. En pleine nuit, je me lève et je regarde des satellites. Avec une longue vue bien pratique, je peux voir 8 fois mieux. Et si on me croise, j'en reprends de tout et n'importe quoi, juste pour le plaisir d'en reprendre. Et c'est là que je n'y crois plus. Ça va mieux, non? Cela, et pourtant ça n'a plus de sens. Ce mois de juin n'aurait pas dû se dérouler ainsi, se laisser vivre. Quoi qu'il en soit, je ne suis plus le 7e et ça ne va pas. Et puisque le temps s'est écoulé, qu'il a fait son office sans compter, qu'il m'a déplombé quelque peu, je pense qu'aujourd'hui ça va mieux. Ça va mieux, non, jamais auparavant. Ça va mieux, non, jamais auparavant.